Septième chapitre. Degas. Qui connaît Degas? Personne. Ce serait exagéré. Quelques-uns seulement. Je veux dire le connaître bien. Même de nom, il est inconnu pour les millions de lecteurs des journaux quotidiens. Seuls les peintres, beaucoup par crainte, le reste par respect, admirent Degas. Le comprennent-ils bien? Degas est né, je ne sais, mais il y a si longtemps qu'il est vieux comme Mathusalem. Je dis Mathusalem parce que j'estime que Mathusalem à 100 ans devait être comme un homme de 30 ans de notre époque. En effet, Degas est toujours jeune. Il respecte Ingres, ce qui fait qu'il se respecte lui-même. À le voir, son chapeau de soie sur la tête, ses lunettes bleues sur les yeux, il a l'air d'un parfait notaire, d'un bourgeois du temps de Louis-Philippe, sans oublier le parapluie. S'il y a un homme qui cherche peu à passer pour un artiste, c'est bien celui-là. Il l'est tellement. Et puis, il déteste toutes les livrées, même celles-là. Il est très bon, mais spirituel, il passe pour être rosse, méchant et rosse. Est-ce la même chose? Un jeune critique qui a la manie d'émettre une opinion, comme les augures prononcent leur sentence, a dit « Degas, un bourru bienfaisant ». Degas, un bourru, lui qui, dans la rue, se tient comme un ambassadeur à la cour. Bienfaisant, c'est bien trivial, il est mieux que cela. Degas avait autrefois une vieille bonne hollandaise, relique de famille, qui, malgré cela, ou peut-être à cause de cela, était insupportable. Elle le servait à table, monsieur ne causait pas. Les cloches de Notre-Dame de Lorette devenaient assourdissantes, et elle de s'écrier « C'est toujours pas pour votre Gambetta qu'elle sonnerait comme ça. » Ah, je vois ce que c'est. Bourru, Degas se défie de l'interview. Les peintres cherchent son approbation, lui demandent son appréciation, et lui, le bourru, le rosse, pour éviter de dire ce qu'il pense, vous dit très aimablement « Excusez-moi, mais je ne vois pas clair, mes yeux. » En revanche, il n'attend pas que vous soyez connu. Chez les jeunes, il devine, et lui, le savant, ne parle jamais d'un défaut de science. Il se dit, assurément plus tard, il saura, et vous dit, tel un papa comme à moi au début, vous avez le pied à l'étrier. Parmi les forts, personne ne le gêne. Je me souviens aussi de Manet, encore un que personne ne gênait. Il me dit autrefois, ayant vu un tableau de moi au début, que c'était très bien, et moi de répondre avec du respect pour le maître, « Oh, je ne suis qu'un amateur. » J'étais en ce temps employé d'agent de change, et je n'étudiais l'art que la nuit et les jours de fête. « Que non, » dit Manet, « il n'y a d'amateurs que ceux qui font de la mauvaise peinture. » Cela me fut doux. Pourquoi, aujourd'hui, me remémorant tout l'autre fois jusqu'à maintenant, suis-je obligé de voir, cela crève les yeux, presque tous ceux que j'ai connus, surtout les derniers jeunes que j'ai conseillés et soutenus, ne plus me connaître. Je ne veux pas comprendre. Je ne peux pas cependant me dire en fausse modestie « Qu'as-tu fait, ô toi que voilà pleurant sans cesse ? Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà de ta jeunesse ?» Verlaine. Car j'ai travaillé et bien employé ma vie, intelligemment même, avec courage, sans pleurer, sans déchirer. J'avais cependant de très bonnes dents. Degas dédaigne les théories d'art, nullement préoccupé de technique. À ma dernière exposition chez Durand-Ruel, œuvre de Tahiti 91-92, deux jeunes gens bien intentionnés ne pouvaient s'expliquer ma peinture. Amis respectueux de Degas, ils lui demandèrent, voulant être éclairés, son sentiment. Avec ce bon sourire paternel, lui si jeune, il leur récita la fable du chien et du loup. « Voyez-vous, Gauguin, c'est le loup. » Voilà l'homme. Quel est le peintre? Un des premiers tableaux connus de Degas, c'est un magasin de coton. Pourquoi le décrire? Voyez-le plutôt, et surtout voyez-le bien, et surtout ne venez pas nous dire « Nul ne sut mieux peindre le coton ». Il ne s'agit pas de coton, pas même de cotonnier. Lui-même le sut si bien qu'il passa. D'autres exercices, mais déjà les défauts s'affirmaient, imprimaient leurs marques, et on put voir que jeune, il était un maître. Bourru déjà. Peu visibles les tendresses des cœurs intelligents. Élevé dans un monde élégant, il osa s'extasier devant les magasins de modistes de la rue de la Paix, les jolies dentelles, ces fameux tours de main de nos parisiennes pour vous torcher un chapeau extravagant. Les revoir aux courses, campés crânement sur des chignons et des pardessus, ou, pour mieux dire à travers tout cela, un bout de nez mutin au possible. Et s'en aller le soir pour se reposer de la journée à l'opéra. Là, s'est dit Degas, tout est faux, la lumière, les décors, les chignons des danseuses, leurs corsets, leurs sourires. Seul vrai, les effets qui en découlent, la carcasse, l'ossature humaine, la mise en mouvement arabesque de toutes sortes. Que de force, de souplesse et de grâce. À un certain moment, le mâle intervient avec série d'entrechats, soutient la danseuse qui se pâme. Oui, elle se pâme, ne se pâme qu'à ce moment-là. Vous tous qui cherchez à coucher avec une danseuse, n'espérez pas un seul instant qu'elle se pâmera dans vos bras. C'est pas vrai. La danseuse ne se pâme que sur la scène. Les danseuses de Degas ne sont pas des femmes. Ce sont des machines en mouvement avec de gracieuses lignes prodigieuses d'équilibre. Arrangées comme un chapeau de la rue de la Paix avec tout ce factice si joli. Les gazes légères aussi se soulèvent et l'on ne songe pas à voir les dessous, pas même un noir qui dépare le blanc. Les bras sont trop longs, à ce que dit le monsieur qui le maître à la main calcule si bien les proportions. Je le sais aussi, en tant que nature morte. Les décors ne sont pas des paysages, ce sont des décors. Denitis en a fait aussi, et c'était beaucoup mieux. Des chevaux de course, des jockeys dans des paysages de Degas, très souvent des haridelles montées par des singes. Dans tout cela, il n'y a pas de motif. Seulement la vie des lignes, encore des lignes. Son style, c'est lui. Pourquoi signe-t-il? Nul n'en a moins besoin que lui. En ces derniers temps, il fit beaucoup de nus. Les critiques en général virent la femme. Degas voit la femme. Mais il ne s'agit pas de femme, pas plus qu'autrefois il ne s'agissait des danseuses, tout au plus certaines phases de la vie connues par indiscrétion. De quoi s'agit-il? Le dessin était à terre, il fallait le relever, et regardant ses nus, je m'écris « Maintenant il est debout ». Chez l'homme, comme chez le peintre, tout est exemple. Degas est un des rares maîtres qui, n'ayant qu'à se baisser pour en prendre, a dédaigné les palmes, les honneurs, la fortune, sans aigreur, sans jalousie. Il passe dans la foule si simplement. Sa vieille bonne hollandaise est morte. Sinon, elle dirait, c'est toujours pas pour vous qu'on sonnerait les cloches comme ça. Un de ces peintres qui figure comme tant d'autres aux indépendants, pour se dire indépendant, dit à Degas, voyons, monsieur Degas, est-ce que nous n'aurons pas le plaisir un jour de vous voir parmi nous aux indépendants? Degas a souri aimablement. Et vous dites que c'est un bourru? Dans la pièce d'Ibsen, l'ennemi du peuple, la femme seulement à la fin, devient à la hauteur de son mari, aussi banal et intéressé, si ce n'est plus, que la foule durant toute son existence, elle a juste une minute qui fond toute la glace du Nord qui est en elle, et elle va au pays où vivent les loups. C'est peut-être très observé, quoique je le conteste, étant moi aussi humainement de la partie. Il faut bien peu de choses pour faire tomber une femme, tandis qu'il faut soulever tout un monde pour la relever. Je connais un autre ennemi du peuple dont la femme non seulement n'a pas suivi son mari, mais encore a si bien élevé les enfants qu'ils ne connaissent pas leur père, que ce père, toujours au pays des loups, n'a jamais entendu murmurer à son oreille « Cher père, à la mort, s'il y a héritage, ils se présenteront. » Suffit. Quoi qu'il en soit, par cette fin, le drame croule subitement. Une œuvre littéraire, un drame au théâtre, n'est pas œuvre de hasard, soumise aux nécessités de convention et d'observation, pesée avec prudence au degré sentimental de vraisemblance. Dans « Peau-bouille » de Zola, Madame Josserand reste toujours Madame Josserand. En cette matière, je suis peu compétent, et sans contester en aucune façon le génie d'Ibsen, je voudrais dire ceci, que nous autres Français, nous sommes peut-être aussi sérieux, moins lourds cependant. Dans cette mythologie du Nord, les vents me paraissent bien rudes et me mettent en quête d'un rayon de soleil. Tous ces pasteurs, ces professeurs, ces jeunes filles qui, pour sentimentales qu'elles soient, n'oublient pas cependant force repas, poisson fumé et jambon, sans oublier le gibier. Tout ce monde-là nous arrive sur la scène française comme de lourdes statues, solidement construites, il est vrai, mais qu'un statuaire grec voudrait affiner. Entre les mains d'un Rodin, je commencerai à les aimer. Ibsen les observe avec son œil. Il est bon qu'à notre tour nous les observions aussi, en crainte d'un envahissement protestant, de ces fiançailles au sens pratique, où l'on joue avec le tout, mais pas ça, de toute cette boueuse philosophie à cheval sur les convenances. Dans la balance du Nord, le cœur le plus vaste ne résiste pas contre une pièce de 100 sous. Moi aussi j'ai observé le Nord, et ce que j'y ai trouvé de meilleur, ce n'est pas assurément ma belle-mère, mais le gibier qu'elle cuisinait si admirablement. Le poisson aussi est excellent. Avant le mariage, tout est familial, mais après, gare au-dessous, tout est dissolvant. À Copenhague, une grande dame oublie dans un magasin son porte-monnaie marqué à son chiffre. Dans le porte-monnaie, il y avait un préservatif en baudruche. Mais dans ma maison, dans une mansarde, un couple vivait en concubinage. Il fut bel et bien conduit en prison. À propos d'Ibsen, parlons du théâtre. Il y a là, il me semble, un futur cadavre qu'on ne peut sauver, mais qu'on voudrait empailler pour le montrer à la foule, à distance, pour lui faire croire toujours à son existence. Certainement, l'art littéraire du théâtre demande droit à la vie, et je le lui accorde grandement. Dieu merci, il y a encore des lecteurs, mais des lecteurs seulement. Je crois même que l'art du théâtre, dégagé du théâtre, y gagnerait. Il y a là au théâtre des exigences scéniques qui gênent l'auteur. Tout d'abord, le style gêne les acteurs et le public. Sur la scène, 3 choses existent seulement, les acteurs, le décor et l'intérêt ou l'amusement. Là, tout est truc, trompe l'œil. Quand une mère a perdu son enfant et le retrouve, ce ne sont pas les paroles qui précèdent qui amènent la larme au coin de l'œil, pas même ce cri « Ciel, ma fille !» mais l'arrivée de la chère petite qui dit « Maman !» Un Sardou et de bons acteurs, voilà tout ce qu'il faut au théâtre. Ne criez pas après Sardou, lui seul est dans le vrai. Par main des tours, trucs aussi, on veut prouver le contraire. L'éducation du public, un public éclairé, etc. Dites un public lecteur éclairé, vous serez dans le vrai. À la scène, dans le théâtre de la Biche, le bourgeois est un atroce bouffon. À la lecture, le bourgeois est, ma foi, très respectable et très bon. Il s'en dégage une certaine philosophie, bonne et aimable autant que familiale. Mais, dira-t-on, à la scène, l'acteur fortifie l'émotion, éclaire la situation. Un public éclairé a-t-il besoin de cela? Et si l'auteur est vraiment grand, pourquoi demander à autrui, et qui nous dit, quoique éclairé, que notre émotion ne vient pas uniquement de l'acteur et du décor? Avouez plutôt que le théâtre est une grande source de fortune. Faites alors comme Sardou, qui a eu le talent d'avoir du talent au théâtre. Le langage parlé est-il vraiment œuvre littéraire, et s'il l'est, n'est-il pas assommant d'invraisemblance et de pédantisme? Jouez la pièce de théâtre de Rémy de Gourmont, je n'ai mémoire du titre, pièce publiée dans le Mercure, et vous verrez si le vieux roi père n'est pas un déplorable gaga, les filles d'atroces goules et tous les combattants des chevaliers de Mardi Gras. Et cependant, à la lecture, c'est bien autre chose. Le directeur du théâtre de l'œuvre nous dit avec juste raison, donnez-moi des bonnes pièces, mais qui soient jouables. Paul Fort, qui a commencé ce théâtre, beaucoup trop artiste pour ne pas voir la mort prochaine du théâtre littéraire, a abandonné la partie pour écrire d'admirables écrits qui ne sont pas jouables. Je pourrais accumuler des exemples en plus grand nombre sans toutefois convaincre personne, je le sais, mais amoureux d'art littéraire à ma façon, je dis ici ma façon de penser. Mon théâtre, à moi, c'est la vie. J'y trouve tout, l'acteur et le décor, le noble et le trivial, les pleurs et le rire. En émotion souvent d'auditeur, je deviens acteur. On ne saurait croire, comme dans la vie sauvage, on change d'opinion, et combien le théâtre s'agrandit. Rien ne trouble mon jugement, pas même le jugement des autres. Je regarde la scène à mon heure, à moi seul, sans contrainte, sans même une paire de gants. J'ai écrit quelque part, et je ne m'en repens pas, que lire à Paris, ce n'était pas la même chose que de lire dans les forêts. À Paris, on se presse. Au restaurant, en mangeant, je ne saurais lire autre chose que le journal. Poste restante, je lis les lettres séance tenante, quitte à les relire après. En chemin de fer, sur les rapides, je lis invariablement les Trois Mousquetaires. Je lis le dictionnaire chez moi. En revanche, je ne lis jamais les livres dont j'ai lu une critique auparavant. Là, en ce qui me concerne, la réclame se fout dedans. Tout au plus, si je goûterais la moutarde Bornibus pour en avoir vu les affiches. Ici, je vous mens atrocement, car je n'aime pas la moutarde. Mais un homme prévenu en vaut deux. Ne vous avisez pas de lire Edgar Poe autrement que dans un endroit très rassurant. Quoique très brave, ne l'étant guère, comme dit Verlaine, il vous en cuirait. Et surtout, après, n'essayez pas de vous endormir avec la vue d'un Odilon Redon. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Ma femme et moi, nous lisions tous deux devant la cheminée. Dehors, il faisait froid. Ma femme lisait Le Chat noir d'Edgar Poe, et moi, Bonheur dans le crime de Barbey d'Aurevilly. Le feu allait s'éteindre, et dehors il faisait froid. Il fallut aller chercher du charbon. Ma femme descendit à la cave d'une petite maison que nous avait sous-louée le peintre Jobé Duval. Sur les marches, un chat noir bondit effrayé, ma femme aussi. Elle continua cependant son chemin après hésitation. De pelleté de charbon, lorsque se détacha du bloc de charbon une tête de mort. Transie de peur, ma femme laissa le tout dans la cave et remonta au galop l'escalier, finalement s'évanouit dans la chambre. Je descendis à mon tour et, voulant continuer à reprendre du charbon, je mis à jour tout un squelette. Le tout était un ancien squelette articulé servant au peintre Jobé Duval qu'il avait jeté à la cave lorsqu'il fut tout démantibulé. Comme vous le voyez, c'est d'une simplicité extrême, mais cependant la concordance est bizarre. Défiez-vous d'Edgar Poe, et moi-même, reprenant ma lecture, me souvenant du chat noir, je me pris à songer à cette panthère qui sert de prélude à cette extraordinaire histoire qui est « Bonheur dans le crime » de Barbey d'Aurevilly. Souvent aussi on retrouve dans une lecture semblable un même événement que celui que l'auteur raconte. J'allais quelquefois au mardi de cet admirable homme et poète qui se nommait Stéphane Mallarmé. Un de ces mardis, on parla de la Commune, j'en parlais aussi. Revenant de la Bourse, quelque temps après les événements de la Commune, j'entrais au café Mazarin. À une table se trouvait un monsieur, air militaire, qui me rappelait sûrement un ancien camarade de collège et comme je le regardais par trop attentivement, il me dit hautainement, tirant sa moustache, « Est-ce que je vous dois quelque chose ?»« Excusez-moi, lui ai-je dit, n'auriez-vous pas été à L'Oréal ? Je me nomme Paul Gauguin, et lui, je me nomme Denneboud. » La reconnaissance fut faite aussitôt, et mutuellement se raconter ce qu'on était devenu. Lui, officier sorti de Saint-Cyr, avait été fait prisonnier par les Prussiens, et à l'entrée des troupes de Versailles à Paris, il commandait un bataillon. Avec son bataillon arrivant par les Champs-Élysées, place de la Concorde, puis remontant jusqu'à la gare Saint-Lazare, il rencontra une barricade, fit des prisonniers. Parmi ces prisonniers se trouvait un brave gamin de Paris d'environ 13 ans, pris le fusil à la main. « Pardon, mon capitaine, s'écria le gamin, je voudrais, avant de mourir, aller dire adieu à ma pauvre grand-mère qui habite là-haut dans la mansarde que vous voyez là. Mais soyez tranquille, ce ne sera pas long. Fous-moi le camp. » J'allais serrer la main de ce brave Denneboud, un camarade d'enfance. Je ne le fis pourtant, et il continua. Nous remontâmes la rue jusqu'à la barrière Clichy, mais avant d'arriver, le gamin arrivait essoufflé, s'écriant « Me voilà, mon capitaine !» Et moi, Gauguin, anxieux de dire « Qu'en l'as-tu fait ?»« Eh bien, dit-il, je l'ai fusillé. Tu comprends mon devoir de soldat. » De ce moment, je crus comprendre ce qu'était cette fameuse conscience de soldat, et le garçon passant sans mot dire, je payais les bocs, me sauvant presto, illico, le cœur en désordre. Stéphane Mallarmé alla chercher un superbe volume de Victor Hugo, et avec cette voix de magicien qu'il maniait si bien, il se mit à lire cette histoire que je viens de raconter. Seulement, à la fin, Hugo, trop respectueux de l'humanité, ne fait pas fusiller le jeune héros. J'étais confus en peur de passer pour un mystificateur. Heureusement qu'entre gens comme il faut, on se comprend, n'est-ce pas? Rien que la reliure portant le nom de Lamartine me rappelle mon adorable mère qui ne perdait jamais une occasion de lire son Jocelyn. Les livres, que de souvenirs! Le marquis de Sade, ça ne m'intéresse pas, je vous assure, mais grand Dieu, ce n'est point par vertu. Devant moi, une photographie d'après un tableau de Degas. Ligne de parquet se dirigeant au point d'horizon planté là-bas, très loin, très haut. Ligne de danseuse les croisant, marche cadencée, maniérée, d'avance ordonnée. Leur regard étudié s'adresse au mâle du premier plan, au coin de gauche. Arlequin, un poing sur la hanche, l'autre main tenant un masque. Il regarde aussi. Où est le symbole? Est-ce l'éternel amour? Les traditionnelles singeries qu'on appelle coquetterie? Rien de tout cela. C'est de la chorégraphie. Dessous, un portrait de Holbein, musée de Dresde. De toutes petites mains, des mains trop petites, sans os et sans muscles. Ses mains me chiffonnent, et je dis, ces mains ne sont pas de Holbein. Une chose en amène une autre, ce qui me fait dire qu'autre chose me chiffonne, c'est l'expertise de tableaux entre les mains de gens qui, en aucun cas, ne peuvent être experts. Ainsi, toutes les ventes de tableaux à l'hôtel des ventes sont faites par un commissaire priseur doublé d'un expert qui est un marchand. Il en est du marchand comme du critique, surtout du marchand, c'est-à-dire qu'il parle de ce qu'il ne connaît pas. Quelquefois, le marchand a du flair au point de la hausse ou de la baisse, et encore, il ne voit que le moment, car dans l'avenir, il se fourre toujours le doigt dans l'œil. Mais en ce qui concerne le vrai ou le faux tableau, il n'en sait rien. Sait-il si c'est un bon ou un mauvais tableau? Jamais. C'est ce qui fait d'ailleurs le malheur du peintre, qui n'a pas un marchand capable de reconnaître son talent. Ceci admis, et il faut l'admettre tellement, c'est évident, que dire de ce titre « expert », « expert qui s'impose et qu'il faut bel et bien payer » L'allégorie, le symbole, les attributs. En ce qui concerne les monuments de sculpture, en notre bonne ville de Paris, on patauge considérablement. L'écrivain ne saurait se passer de son bouquin et de sa plume d'oie. À l'inventeur d'un clisopompe, il faut un clisoir. Si jamais on élève à Londres une statue à Wells, je réclame pour lui son rayon ardent. Mais demain, si l'on élève une statue à Dumont Santos, faudra-t-il sculpter un ballon? Par contre, comment indiquera-t-on pour Pasteur la culture des microbes? Autre chose qui n'a l'air de rien et qui est quelque chose, c'est la glorification de toutes les allégories, agriculture, pisciculture, etc., à 50 mètres au-dessus du sol. Au Trocadéro, tout le haut se trouve ainsi garni, sans qu'on puisse dire « ce sont des chefs-d'œuvre ou des navets ». Puis, où est la signature? Il est question de mécénat. C'est qu'il faut récompenser les artistes. Admettons-le aussi. Mais alors, descendez-moi tout cela et ornez les galeries d'en bas. Mais voilà, voilà, il y aurait des artistes parmi ceux-là dont la réputation descendrait encore plus bas. Il y a des gens qui se disent espagnols et qui ne sont que de faux espagnols. À l'hôtel de ville, c'est la même chose. Dans des niches, les prévôts de Paris nous regardent de là-haut et nous trouvent bien petits. Nous les regardons aussi, histoire de voir si le temps est beau, et nous les trouvons encore plus petits. Quelquefois, en regardant en l'air, on voit des choses curieuses. Une jeune Danoise en balade dans notre capitale passait un jour près de Notre-Dame de Paris. Les corbeaux se mirent à croasser, ce qui lui fit lever la tête. Elle vit se détacher d'une des deux tours un singulier drapeau noir en forme de flamme. Étrangement, ce drapeau zigzaga. C'était une jeune femme qui resta suspendue sur la grille, le fer de lance lui ayant traversé la poitrine. Souvenir de la morgue. Au concours, les monuments de sculpture, un sculpteur et un architecte pour le piédestal. Le sculpteur trouve qu'un grand piédestal abîme sa statue et l'architecte trouve que son piédestal doit surtout être important. Dans ce monument, où est le gibier et quelle est la sauce? Oh, les concours! Heureusement que Saint-Pierre de Rome n'a pas été décoré au concours. Au concours du fameux char qui devait orner l'Arc de Triomphe, je vis la maquette de Falguière. C'était, comme on dit, crânement torché. Les chevaux avaient une souplesse de rein qui nous enchantait. Une fois le monument en place, je ne vis plus que le ventre des chevaux. Un sculpteur de renom, à qui j'en fis l'observation, me répondit « Après tout, une figure placée là-haut doit être identique à ce personnage vivant placé là-haut. » Je dînais un jour avec Dallouche et ce sculpteur en renom, et il me dit « Monsieur, la sculpture sera républicaine ou ne sera pas. » Enfoncez des roulades. Les jeunes gens qui se destineront à l'art ne trouveront pas le lait nourricier dans les boîtes à conserve. Ici, la boîte à conserve, c'est l'école. Ne soyez avares que du titre d'ami et gardez-vous de prodiguer vos sottises. On emprunte beaucoup à Degas, et il ne s'en plaint pas. Dans son escarcelle à malice, il y en a tellement qu'un caillou de plus ou de moins, ça ne l'appauvrit pas. D'Albert Wolff dans le Figaro. La postérité remet toujours les hommes à leur rang, en faisant descendre les uns du piédestal où ils se sont hissés par surprise, pour faire de la place aux autres qui y ont droit. De la sorte, les grands méconnus peuvent continuer leur route dans la conviction de la justice éternelle, souvent tardive, mais toujours certaine, à un moment donné. Albert Wolff, un crocodile. Ma grand-mère était une drôle de bonne femme. Elle se nommait Flora Tristan. Proudhon disait qu'elle avait du génie. N'en sachant rien, je me fie à Proudhon. Elle inventa un tas d'histoires socialistes, entre autres l'Union ouvrière. Les ouvriers reconnaissants lui firent dans le cimetière de Bordeaux un monument. Il est probable qu'elle ne sut pas faire la cuisine. un bas-bleu socialiste, anarchiste. On lui attribue d'accord avec le père enfantin le compagnonnage, la fondation d'une certaine religion, la religion de Mappa, dont enfantin aurait été le dieu Ma et elle, la déesse Pa. Entre la vérité et la fable, je ne saurais rien démêler, et je vous donne tout cela pour ce que cela vaut. Elle mourut en 1844. Beaucoup de délégations suivirent son cercueil. Ce que je peux assurer cependant, c'est que Flora Tristan était une fort jolie et noble dame. Elle était intime amie avec Madame Desbordes de Valmore. Je sais aussi qu'elle employa toute sa fortune à la cause ouvrière, voyageant sans cesse. Entre-temps, elle alla au Pérou voir son oncle, le citoyen Don Pio de Tristan de Moscoso, famille d'Aragon. Sa fille, qui était ma mère, fut élevée entièrement dans une pension, la pension Bascan, maison essentiellement républicaine. C'est là que mon père, Clovis Gauguin, fit sa connaissance. Mon père était à ce moment-là chroniqueur politique au journal de Thiers et Armand Marrast, le National. Mon père, après les événements de 48, je suis né le 7 juin 48, a-t-il pressenti le coup d'État de 1852? Je ne sais. Toujours est-il qu'il lui prit la fantaisie de partir pour Lima avec l'intention d'y fonder un journal. Le jeune ménage possédait quelques fortunes. Il eut le malheur de tomber sur un capitaine épouvantable, ce qui lui fit un mal atroce, ayant une maladie de cœur très avancée. Aussi, lorsqu'il voulut descendre à terre à Port-Famine, dans le détroit de Magellan, il s'affaissa dans la baleinière. Il était mort d'une rupture d'anévrisme. Ceci n'est pas un livre, ce ne sont pas des mémoires non plus, et si je vous parle, ce n'est qu'incidemment, ayant en ce moment dans ma tête un tas de souvenirs de mon enfance. Le vieux, le tout vieil oncle Don Pio, devint tout à fait amoureux de sa nièce, si jolie et si ressemblante à son frère bien-aimé, Don Mariano. Don Pio s'était remarié à l'âge de 80 ans, et il eut de ce nouveau mariage plusieurs enfants. Entre autres, Etchenique, qui fut longtemps président de la République du Pérou. Tout cela constituait une nombreuse famille, une véritable enfant gâté. J'ai une remarquable mémoire des yeux, et je me souviens de cette époque, de notre maison et d'un tas d'événements. Du monument de la présidence, de l'église dont le dôme avait été placé après coup, tout sculpté en bois. Je vois encore notre petite négresse, celle qui doit, selon la règle, porter le petit tapis à l'église et sur lequel on prie. Je vois aussi notre domestique, le chinois, qui savait si bien repasser le linge. C'est lui d'ailleurs qui me retrouva dans une épicerie où j'étais en train de sucer de la canne à sucre, assis entre deux barils de mélasse, tandis que ma mère éplorée me faisait chercher de tous les côtés. J'ai toujours eu la lubie de ces fuites, car à Orléans, à l'âge de 9 ans, j'eus l'idée de fuir dans la forêt de Bondy avec un mouchoir rempli de sable au bout d'un bâton que je portais sur l'épaule. C'était une image qui m'avait séduit, représentant un voyageur, son bâton et son paquet sur l'épaule. Défiez-vous des images. Heureusement que le boucher me prit par la main sur la route et me reconduisit au domicile maternel en m'appelant Polisson. En qualité de très noble dame espagnole, ma mère était violente et je reçus quelques gifles d'une petite main souple comme du caoutchouc. Il est vrai que quelques minutes après, ma mère, en pleurant, m'embrassait et me caressait. Mais n'anticipons pas et revenons à notre ville de Lima. À Lima, en ce temps, ce pays délicieux où il ne pleut jamais, le toit était une terrasse et les propriétaires étaient imposés de la folie, c'est-à-dire que sur la terrasse se trouve un fou attaché par une chaîne à un anneau et que le propriétaire ou locataire doit nourrir d'une certaine nourriture de première simplicité. Je me souviens qu'un jour, ma sœur, la petite négresse et moi, couchés dans une chambre dont la porte ouverte donnait sur une cour intérieure, Nous fûmes réveillés et nous pûmes apercevoir juste en face le fou qui descendait l'échelle. La lune éclairait la cour. Pas un de nous n'osa dire un mot. J'ai vu et je vois encore le fou entrer dans notre chambre, nous regarder, puis tranquillement remonter sur sa terrasse. Une autre fois, je fus réveillé la nuit et je vis le superbe portrait de l'oncle pendu dans la chambre. Les yeux fixes, il nous regardait et il bougeait. C'était un tremblement de terre. On a beau être très brave et même très malin, on tremble avec le tremblement de terre. Il y a là une sensation commune à tout le monde et que personne nie l'avoir ressentie. Je le sus plus tard, quand je vis en rade d'Ickwick une partie de la ville s'effondrer et la mer jouer avec les navires comme des balles maniées par une raquette. Je n'ai jamais voulu être franc-maçon, ne voulant faire partie d'aucune société par instinct de liberté ou défaut de sociabilité. Je reconnais pourtant l'utilité de cette institution quand il s'agit des marins, car sur cette même rade d'Ickwick, je vis un brick de commerce traîné par un très fort raz de marée, forcé d'aller se briser sur les rochers. Il hissa au haut des mâts son guidon de franc-maçon, et de suite une grande partie des navires sur rade lui envoya des embarcations pour le remorquer à la Bouline. Par suite, il fut sauvé. Ma mère aimait à raconter ses gamineries à la présidence, entre autres. Un officier supérieur de l'armée qui avait du sang indien dans les veines s'était vanté d'aimer beaucoup le piment. Ma mère, à un dîner où cet officier était invité, alla commander aux cuisines deux plats de piment doux. L'un était ordinaire, l'autre extraordinaire, assaisonné à tout casser avec des piments forts. Au dîner, ma mère se fit inscrire sa voisine, et tandis que tout le monde était servi du plat ordinaire, notre officier était servi du plat extraordinaire. Il n'y vit que du feu, surtout quand, s'en étant servi une énorme assiette, il sentit le sang lui monter à la figure. Et ma mère, très sérieuse, de lui dire « Est-ce que le plat est mal assaisonné et ne le trouvez-vous pas assez fort ?» Au contraire, madame, ce plat est excellent. Et le malheureux eut le courage de vider l'assiette rubis sur l'ongle. Ce que ma mère était gracieuse et jolie quand elle mettait son costume de liménienne, la mantille de soie couvrant le visage et ne laissant voir qu'un seul œil, cet œil si doux et si impératif, si pur et caressant. Je vois encore notre rue où les gallinassas venaient manger les immondices. C'est que Lima n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, une grande ville somptueuse. 4 années s'écoulèrent ainsi, lorsqu'un beau jour des lettres pressantes arrivèrent de France. Il fallait revenir pour régler la succession de mon grand-père paternel. Ma mère, si peu pratique en affaires d'intérêt, revint en France à Orléans. Elle eut tort. Car l'année suivante, 1856, le vieil oncle, fatigué d'avoir taquiné avec succès Madame la Mort, se laissa surprendre. Don Pio de Tristan de Moscoso n'existait plus. Il avait 113 ans. Il avait constitué, en souvenir de son bien-aimé frère, à ma mère une rente de 5 000 piastres fortes, ce qui faisait un peu plus de 25 000 francs. La famille au lit de mort contourna les volontés du vieillard et s'empara de cette immense fortune qui fut engloutie à Paris en folles dépenses. Une seule cousine est restée à Lima, vit encore très riche à l'état de momie. Les momies du Pérou sont célèbres. Echenique vint l'année suivante proposer un arrangement à ma mère qui, toujours orgueilleuse, répondit « Tout ou rien ». Ce fut rien. Quoiqu'en dehors de la misère, ce fut désormais d'une très grande simplicité. Beaucoup plus tard, en 1880, je crois, Echenique revint à Paris comme ambassadeur, chargé d'arranger avec le comptoir d'escompte la garantie de l'emprunt péruvien, affaire du guano. Il descendit chez sa sœur, qui avait rue de Chaillot un splendide hôtel, et, en ambassadeur discret, il raconta que tout allait bien. Ma cousine, joueuse comme toutes les Péruviennes, s'empressa d'aller jouer à la hausse sur l'emprunt péruvien dans la maison Dreyfus. Ce fut le contraire, car quelques jours après, le Pérou était invendable. Elle but un bouillon de quelques millions. « Caro mio, m'a-t-elle dit, je suis ruinée. Je n'ai plus maintenant que 8 chevaux à l'écurie. Que vais-je devenir ?» Elle avait 2 filles admirables de beauté. Je me souviens de l'une d'elles, enfant de mon âge, que j'avais, il paraît, essayé de violer. J'avais à ce moment 6 ans. Le viol ne dut pas être bien méchant, et nous eûmes probablement tous deux l'idée des jeux innocents. Comme on le voit, ma vie a été toujours qu'un cas bien agité. En moi, beaucoup de mélange, grossier matelot, soit, mais il y a de la race, ou pour mieux dire, il y a 2 races. Je pourrais me passer de l'écrire, mais aussi, pourquoi ne l'écrirais-je pas, sans autre but que celui de me divertir? Et j'ai eu ces jours-ci besoin de me divertir, enfermé dans un petit îlot par suite d'inondations, comme je vous l'ai raconté plus haut. L'inondation et l'orage sont à peine terminés, chacun se débrouille comme il peut, coupant les arbres déracinés, installant de tous côtés des petites passerelles pour circuler de voisin à voisin. On attend le courrier qui n'arrive pas, et en admettant une chance énorme, nous avons l'espoir que dans 1 an, l'administration voudra bien réparer nos désastres et nous envoyer un peu d'argent. Le courrier doit nous envoyer par extra un juge pour faire l'instruction d'un crime. Voici une lettre que j'ai préparée pour le juge, lettre qui vous mettra un peu au courant de la façon qu'on emploie pour administrer les colonies françaises. À Tuana, janvier 1903. Monsieur le juge d'instruction, permettez-moi, en ce qui concerne cette affaire de meurtre dont vous allez faire l'instruction, de vous donner quelques éclaircissements. Il s'agit d'un homme qui, peut-être, faute de renseignements à sa décharge, serait condamné à tort pour meurtre. Nous, public, ne saurions connaître qu'imparfaitement ce que le brigadier de gendarmerie a pu déclarer. Par contre, nous savons tout ce qui n'a pas été fait, et cela parce que nous nous sommes donné la peine de faire la besogne nous-mêmes. Est-ce donc à nous de faire la police? Le brigadier aurait interrogé le nègre, puis sommairement la victime et l'ami, c'est tout, c'est-à-dire presque rien. Cela fait, la victime a été remise à l'examen et aux soins d'un infirmier qui, pour avoir fait un petit apprentissage à l'hôpital de Papeete, n'en est pas moins un tout jeune homme léger et sans expérience. 2 jours après, la rumeur publique m'apprit que cette femme avait une horrible blessure au vagin qui se trouvait en pleine décomposition. Ne pouvant soupçonner un seul instant que cette blessure puisse avoir passé inaperçue, je n'y fis pas attention, et ce n'est que 15 jours après l'affaire que le pharmacien vint me demander conseil, déclarant que, tout à fait à bout de souffrance, cette femme avouait avoir une grave blessure faite au vagin. Les vers de mouche circulaient en grande quantité, et il s'en dégageait une telle puanteur qu'il était suffoqué, prêt à s'évanouir, ne pouvant donner des soins que très imparfaitement. Le tout était déchiré. Déjà la gangrène s'était déclarée et survint la mort. On peut d'ores et déjà assurer que cette dernière blessure est l'unique cause de la mort de cette femme. Le nègre en est-il l'auteur? Et qu'a-t-on fait pour le savoir? À qui incombe la responsabilité de cette négligence? Ce n'est pas assurément à vous, monsieur le juge, qui, arrivant ici très longtemps après, n'êtes pas à même d'être renseigné. La gendarmerie s'est contentée d'interroger presque au hasard, dès le début, le nègre, la victime et l'ami. Depuis, elle n'a fait aucune enquête, ignorant ou voulant ignorer quand même cette dernière blessure, ignorant l'amant, tandis que le public s'en inquiétait, à tel point qu'un colon avertit le brigadier que l'amant, malgré son habitation très éloignée de celle du nègre, se trouvait à 3 heures de l'après-midi à cet endroit en compagnie de la victime et de son ami. Le parti pris de sauver cet amant apparaît presque en évidence. Le brigadier savait pertinemment, comme tout le monde ici, que le pasteur Vernier et moi, surtout M. Vernier, nous avions des notions étendues en médecine. Pourquoi ne nous a-t-il pas consultés en cette occasion? Par vanité, sans doute, cette vanité d'un gendarme sot et autoritaire. Je déclare sans crainte que si j'avais été appelé, cette troisième plaie n'aurait pu passer inaperçue et qu'il m'aurait été facile de voir si elle avait été faite avec un couteau. Je reconnais cependant que les deux autres blessures ont été examinées et sondées, examen qui a établi qu'elles avaient été faites toutes deux avec un couteau de moyenne grandeur et non avec un coutelas à débrousser. Ce couteau aurait été retrouvé dans la brousse. Si toutefois il y a contradiction entre les déclarations des deux femmes et le fait observé, n'y aurait-il pas lieu de soupçonner un mensonge intéressé fait pour dérouter la justice? Mais ce qui n'est pas douteux, c'est le mutisme complet avant et après au sujet de cette troisième plaie qui a entraîné la mort, ne voulant accuser personne, pas même le nègre. Son amant, tous les jours à son chevet, avec force protestations d'amour entremêlées et de menaces, l'entraînant au silence, silence que fit la pauvre victime jusqu'à sa dernière heure. On doit reconnaître forcément qu'il y a là un grand intérêt passionnel, qui est l'amour, à sauver un meurtrier, qui est l'amant. Et ce qui vient donner encore de la force à cette supposition, c'est que la blessure horrible faite au vagin avec acharnement a été faite avec un morceau de bois déchirant en tous sens et dont quelques éclisses, selon l'aveu de la victime, ont été par elle retirées de la plaie. Cela est le fait d'un indigène. De nombreux précédents nous ont éclairés sur les habitudes et mœurs marquisiennes. Le sauvage reparaît quand la passion est en jeu et qu'il est possédé du démon de la jalousie. Il s'acharne sur cette partie, imaginant un coït cruel et meurtrier. La rumeur publique ainsi que la logique indiquaient cependant que c'était là qu'il fallait chercher l'éclaircissement du mystère, et c'est justement ce qui n'a pas été fait. L'amant n'a jamais été interrogé et inquiété par la gendarmerie, et personne questionné à son sujet. Je dis bien la gendarmerie, intentionnellement, car le nouveau brigadier, suivant les errements de son prédécesseur, ne veut rien, rien savoir. Aujourd'hui, trop tard, cet indigène trouverait autant qu'il le voudrait des faux témoins qui lui constitueraient un alibi selon la règle des marquises. Où est notre sécurité dans l'avenir si la gendarmerie, toujours couverte par ses chefs, doit continuer cette funeste tradition, tracasser le colon et l'indigène sans jamais les défendre? Je dis bien cette funeste tradition, car avec cette façon de procéder, tout crime commis aux marquises ont toujours été considérés par la justice comme obscurs et par suite impunis, tandis que le public, toujours indirectement informé, arrivait à connaître immédiatement la vérité. Quand un crime est commis, le coupable menace de mort les indiscrets et cela suffit. Tous, sinon officieusement, se taisent officiellement, et ils ont la partie belle avec les gendarmes, si volontairement peu clairvoyants. Paul Gauguin.